Au vent des îles, Yann et Grok. 1. Le ciel est immense. Des stries de nuages s'y balancent doucement, comme les sillons des vagues sur la face de la mer. Les brumes matinales se sont levées, et voici monter des eaux très goroises des monstres inattendus. Ce sont les îles sœurs, au nombre de 7, chiffre fatidique. Elles se suivent à la file, semblent nager comme en procession l'une derrière l'autre. La grande Tomée, plus voisine de la terre, surveille, dirait-on, leurs ébats avec des yeux indulgents d'aïeul. Quant aux jeunes îles, elles s'aventurent hardiment au large. Elles sont blondes, sous le soleil, du blond soyeux et délicat des cheveux d'enfant, en Bretagne. Derrière elles, très loin, tout au fond de l'horizon, le phare des Triagos pointe comme la houlette d'un pasteur des flots. Autour de notre barque, la mer donne l'impression d'un pré mouvant, tant elle est couverte de goémons, d'algues, de longues herbes étranges, de lianes marines. Une croupe de bêtes préhistoriques, la queue mince, quasi rattachée encore au continent, la tête plus monstrueuse que le corps et tournée vers le large, telle est Tomée. On l'appelle en breton Tafeak. Un gazon foisonnant, roussi au vent de mer, lui fait un pelage de fauve. J'y débarque seul. Par ce clair matin d'août. C'est une exquise sensation que celle du dépaysement absolu, quand on sait qu'il ne doit pas trop durer. Il me revient, du fond de mon enfance, le rêve qui me fut si cher autrefois d'une vie à la Robinson. L'île est déserte ou paraît l'être. Déserte d'humains, s'entend, car elle est toute peuplée d'oiseaux marins. Près de moi, une troupe de goélands sèchent sur une roche leurs ailes éployées. Un mouvement que je fais, ils s'envolent, mais sans hâte, d'un essor grave, comme des gens polis qui se lèveraient à l'approche d'un étranger. On dit en Bretagne que les goélands vivent très vieux. Ceux-ci ont l'air de patriarches, avec leur ventre blanc et leurs allures solennelles. Ils devaient être déjà de ce monde lorsque Saint-Quirec, venant d'Hibernie, aborda en ces lieux. Ils l'ont vu arriver dans son auge de pierre, tendant au-dessus des eaux, en guise de voile, un pan de son manteau de bure. Je n'ai rien de commun avec Saint-Quirec, hélas, si ce n'est d'être un des derniers fils de sa race proscrite, un des derniers songeurs que hante encore le spectre mélancolique du passé. J'imagine pourtant qu'au lendemain de la tempête saxonne, il dut, en prenant terre aux grèves de Tafeak, éprouver quelque chose d'analogue à ce que je ressens, ce repos. Cette fraîcheur soudaine qui détend l'âme et qui l'embaume toute au contact d'un pays vierge. Ce grand silence, ce calme de l'isolement, qui s'infiltre en vous comme un bien-être mystérieux. J'escalade des roches, je franchis une haie d'épines sauvages et me voilà au milieu d'un beau champ de blé. Il y a donc des hommes ici. Un sentier battu longe la côte, un petit sentier de corniches. Les hauts épis, lourds de grains, me frôlent au passage. Au bout du champ, un échalier. Je suis dans une cour, jonchée de bouses et de goémons. Assis sur un tas de fougères fraîchement coupées, un enfant dépouille un congre. L'énorme anguille traîne à terre, écorchée à demi. Ma présence ne dérange en rien le gamin qui continue en paix sa besogne sanglante. Je lui demande, en brézonec, note, en breton, fin de note. « Gars, c'est toi qui demeures en cette maison ?»« Oui, avec mon père et mes deux sœurs. Ma mère est morte. » C'est à peine s'il a levé les yeux. 2. La maison est en galets de grève cimentés d'argile, un toit de vieilles ardoises brodées de lichens grisâtres qui ressemblent à des cristallisations. Une porte basse, une lucarne munie d'une barre de fer dentelée comme une crémaillère. Ça et là, devant la façade, des outils de labour pêle-mêle avec des engins de pêche. Une grande belle fille vient d'apparaître sur le seuil. Elle m'a entendu parler breton à son frère, elle m'accueille avec une rudesse aimable. « Entrez hardiment, vous trouverez escabeau pour vous asseoir. » Tous ces intérieurs de Basse-Bretagne ont la même étrangeté. Il y règne je ne sais quelle ombre religieuse où l'on a peine d'abord à s'orienter, tant est pâle et discret le mince rayon de lumière que laisse filtrer l'unique fenêtre. C'est une obscurité bleuâtre, une atmosphère nocturne de rêve. Les choses n'y ont ni contour ni forme, seule une statue toute neuve, une vierge en plâtre, d'un blanc cru, fait une clarté au fond de la masure. Cela vous donne l'impression d'être dans un oratoire, dans un de ces sanctuaires moisis du pays armoricain qui ne s'ouvre qu'une fois l'an, le jour de la fête patronale. La grande fille qui m'a précédé époussette du coin de son tablier un des bancs de l'âtre. Je m'y installe. La conversation s'engage, tout en allant et venant à travers la maison, en dressant le couvert pour le repas du matin. Mon hôtesse m'apprend qu'elle a nom Rose Kervégan et que depuis des générations, les Kervégan sont fermiers de l'île. Autrefois, dit-elle, nous étions à l'aise et rien ne manquait chez nous, ni la viande de boucherie, ni le cidre, ni même le bon vin, à ce que nous a conté notre père. Il a connu ces temps-là et il s'en souvient, quoiqu'il fût alors plus jeune que mon frère Yvick. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des gens de misère. C'est le train du monde. Mais il y a toujours un morceau de pain et une écuellée d'eau claire pour le passant. Mon père et ma sœur Mona ne vont point tarder. Vous mangerez avec nous, si le cœur vous en dit. Je ne demande pas mieux, mais que tout soit en commun. Je vide sur la table les provisions que j'ai apportées de la grande terre. Note, c'est-à-dire la terre ferme, le continent. Fin de note. Et dont je croyais déjeuner seul dans quelque recoin de Tafeak. Oh oh ! S'écrie la fille, vous êtes un mangeur de pain blanc, vous. Du reste, cela se voit à vos habits. Si j'avais prévu que vous eussiez le bissac si bien garni, je me serais donné garde de vous convier à notre repas de pauvres. Vous auriez eu tort. Le père vient d'entrer. C'est un homme de haute taille, aux traits énergiques, aux yeux très doux et presque enfantins, une figure de forban placide. Il ne paraît nullement surpris de me trouver là. Beau temps, n'est-ce pas ? Dit-il du ton le plus naturel, et comme si ma présence sous son toit était chose coutumière. Superbe, en vérité. Il n'y a pas eu de glace à rompre. Nous causons déjà comme de vieux amis. Mona, une fillette à peau brune, aux yeux aigus et sournois tout ensemble, jette à poignée dans la marmite des crevettes qui frétillent encore. Yvick, le garçonnet, fait une entrée triomphale d'Hercule enfant, ses deux poings retenant la gueule du congre jetée en travers sur son épaule, le corps ployant sous le cadavre du monstre frais écorché, tout heureux de montrer sa force devant un inconnu. Brusquement, il lâche la bête, la contemple un instant, allongée à terre, puis prend plaisir à l'enrouler plusieurs fois sur elle-même, comme un agrès sur le pont d'un navire. La belle Rose me désigne ma place, la place d'honneur, au bout du banc, près de la fenêtre. J'ai rarement déjeuné d'aussi bon cœur. Par instants, de grands vols d'oiseaux blancs passent dans le champ de la lucarne. Des mouches dorées bourdonnent dans les plis des petits rideaux retenus par de minuscules embrasses. À la cloison de bois brut, en face de moi, s'effiloque une vieille image où se voit le Boudédéo, le juif errant, enjambant des villes et des fleuves, et où se lisent encore quelques couplets de sa complainte bretonne. Mes yeux se sont habitués aux douces ténèbres qui emplissent la pièce. Je distingue çà et là des cadavres de meubles, un bahut croulant, une gaine d'horloge dont le balancier dort immobile, un lit enfin, le seul visible. Les yeux en trous de vrille de la taciturne Mona ont suivi mon regard. « Le monsieur, dit-elle en s'adressant à son aîné, s'étonne de ce qu'il n'y a qu'un lit dans la maison. Il ne sait pas qu'Yvick et le père couchent sur du varech dans le grenier. « Oui, continue Job Kervégan, le chef de famille. Et nous y dormons plus souvent de jour que de nuit. Vous n'êtes ni gabelou, ni employé de la régie. Je peux bien vous faire cette confidence. Voyez-vous, c'est pour les pauvres gens de la côte que le bon Dieu a créé la nuit. Sans elle, je me demande ce que nous deviendrions. Comment voulez-vous qu'on vive avec quelques boisseaux de blé et 500 ou 600 de pommes de terre ? Heureusement, la mer est là. La mer est la pourvoyeuse de ceux qui n'ont que leurs bras, leur faim et leur misère. Elle nous donne, bon an, mal an, 15 douzaines de homards que les filles vont vendre à Pérouse. Mais elle est surtout la mère aux épaves. Les épaves, c'est notre vraie moisson. Vieux bois, vieux fer, cela se transforme en beaux écus. La récolte dure toute l'année, depuis l'heure où s'allument les phares, les feux de nuit, jusqu'à celle où l'aube commence à poindre. Par exemple, il faut y mettre sa peine. Gare aux douaniers, ces oiseaux du gouvernement se tiennent perchés au haut des falaises. Ils sont toujours prêts à s'abattre sur vous, comme des cormorans sur une proie. Ce n'est pas que je leur en ai rancune. Ils font leur métier, ils gagnent leur pain à leur façon, comme nous, le nôtre. Mais notre façon à nous est plus dure. Ah, il n'en était pas ainsi du temps de ma jeunesse. Puisque vous avez habité Penvénan, au trou, note, monsieur, fin de note, vous avez dû entendre parler de Yann et Groc, note, Jean au croc. On l'appelait ainsi parce qu'il avait eu le poing amputé et qu'il portait un crochet de fer en guise de main. Fin de note. Certes, oui. Vous voyez en moi le dernier survivant de ses 13 fils. 3. En disant cela, Job Kervégan, à qui j'ai tendu une gourde de rhum, s'en verse une pleine rasade et l'avale d'un trait. Ses yeux brillent d'un orgueil naïf. C'est sa noblesse à lui, cette parenté avec le pirate le plus ingénieux, le plus jovial, le plus férocement drôle, dont on s'entretienne aux veillées d'hiver dans ces parages. Si j'ai entendu parler de Yann Egrok, il a été le cauchemar de mes sommeils d'enfant. Aujourd'hui encore, quand il m'arrive d'être distrait par les craquements sourds d'une charrette qui passe au loin dans la nuit, je me souviens aussitôt de ce croque-mitaine, bas breton. J'évoque mes terreurs d'autrefois dans la grande chambre de Penvénan, et je me dis, c'est le chariot de Yann Egrok. Si l'on m'avait consulté hier sur l'authenticité du personnage, j'aurais probablement répondu que Yann Egrok, comme Yannan Od, note Jean des Grèves, fin de note, Yann Evazouarn, note Jean au bâton de fer, fin de note, et tant d'autres Yann, ou grotesques, ou malfaisants, devaient être une figure de légende, le type mythologique du fraudeur, tel que l'avaient pu rêver des imaginations de vieilles femmes sur le littoral armoricain. Eh bien, non, Yann Egrok a existé. Yann Egrok a une histoire que je vais connaître. Et c'est son propre fils qui va me la conter. Béni en soit Notre-Dame de bonne fortune, qu'on invoque à confort en faisant tourner sa roue garnie de clochettes. J'éprouve l'émotion ingénue d'un chasseur qui, sorti pour une simple promenade, voit tout à coup un lièvre magnifique venir se jeter affectueusement dans ses bras. « Comment ? Vous êtes le fils de Yann Egrok ? Buvons à sa mémoire, Job Kervégan. Mais dites-moi, est-ce bien vrai tout ce qu'on raconte de lui ?» J'ai visé juste. J'ai piqué au vif mon interlocuteur. Les terriens, au trou, racontent son histoire, mais ils n'en ont jamais eu que les miettes. Venez, quand je parle de lui, moi, il me faut le grand air. Au sortir de la maison, c'est un éblouissement. Tout flambe dans la lumière intense de midi. La mer, le ciel, de l'or en fusion. L'île flotte là-dedans comme un lingot gigantesque. Le continent vers le sud semble une fumée légère, volatilisée. Il fait très chaud, avec de grands souffles frais qui passent de temps en temps et vous épongent. Nous grimpons un raidillon. Les oiseaux blancs tourbillonnent au-dessus de nos têtes. On se croirait au flanc d'un Sinaï, ou mieux, de l'Horeb, le buisson ardent brûlant là-haut. C'est l'heure de la basse marée. D'immenses prairies jaunes s'étalent à nos pieds, à perte de vue. Les grèves paraissent toutes frissonnantes de colzas en fleurs. De toutes parts monte une odeur âcre, singulièrement forte et vivifiante et saine. Le gars Ivic, vautré dans l'air, entonne d'une voix aiguë, d'une voix de courlis, une chanson sauvage, au final mélancolique, qui se doit entendre à des lieux. Les paroles même ont une surprenante netteté. Elles arrivent jusqu'à nous, élargies par le milieu sonore et, cependant, très précises. Tudo Yahuank, deux arbores al, Mareus Roant, Daziski Dansal, No Peus, Met Disken, Erpost Gwen, Henoman Mestre, Andan Serien, Abebzul, Danos, Gudekoan, Vean Danso, En Créer, Morvan. Note. Jeunes gens, de l'autre côté. Du pays à l'est de la rivière de Tréguier. Si vous avez envie d'apprendre à danser, vous n'avez qu'à descendre à Port-Blanc. Là est le maître des danseurs. Et chaque dimanche, après souper, ont lieu les danses à Crère Morvan. Fin de note. Cette chanson que vous écoutez, me dit Job Kervégan, a été faite par mon père, à son ami Noël Kerlo. Ce n'est pas pour le vanter, voyez-vous, mais cet homme-là avait tous les dons. S'il avait voulu, Yann Arguen, le grand rimeur, n'eût été qu'un enfant de cœur auprès de lui. Mais il avait bien d'autres choses en tête. 4. Nous sommes parvenus au point culminant de l'île. Le merveilleux décor, un archipel groupé harmonieusement et, comme en de nobles attitudes, la mer retirée tout au fond du ciel, suspendue très haut dans le lointain, ainsi qu'une grande moire d'or. À droite, à gauche, des promontoires lumineux, l'un d'eux portant en croupe un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Clarté. Ça et là, des sémaphores, maisonnettes blanches aux toits blancs, accroupies comme des roufs de navires au pied de leurs mâts. Dans une anse, au milieu d'un fouillis de verdure, le bourg de Perros-Guirec, des bleus clairs d'ardoise, un clocher de granit rouge pointant au-dessus. Nous nous asseyons dans l'herbe courte et drue, dans cette herbe des îles qui ne verdit jamais, qui grisonne l'hiver comme une chevelure de vieillard et se reprend à blondir l'été comme des frisons d'enfants. La terre chauffée exhale une tiédeur douce et qui sent bon. Des houppes d'un rose délicat et pâle, les fleurs d'une espèce de trèfle marin émaillent autour de nous le gazon. Jap Kervégan a bourré sa pipe. Il a aux lèvres un léger fil de bave comme on en voit pendre au fanon des bœufs. Il raconte d'une voix lente, avec des pauses, de soudains silences, des recueillements pendant lesquels ses yeux se voilent comme repliés dans la contemplation de ses souvenirs. C'est un poème, une épopée d'une majesté tour à tour sauvage et grotesque que cette histoire de Yann et Grok. J'en veux fixer ici quelques épisodes, avec le regret toutefois de ne les point transcrire dans la langue même du fermier de Taféac. En pareil cas, ce n'est pas seulement le récit, c'est encore l'accent du conteur qu'il faudrait pouvoir rendre. Il doit y avoir de ceci environ 80 ans, au trou. Notre famille habitait à Tromeur, là-bas, dans la grande terre, un moulin à vent dont les ailes tournent encore. Mon aïeul était meunier de son état, mais il était surtout fraudeur par vocation, et aussi par besoin, car la maisonnée était nombreuse. Quand il se rendait chez ses pratiques, dans sa petite charrette, attelée d'un bidet de cornouailles, il était bien rare qu'il ne transportât point quelques ballots de marchandises prohibées, dissimulées sous les sacs de farine. Mon Dieu, il ne faisait, en cela, que suivre la mode du temps, car les meilleures familles de la contrée se livraient alors à la contrebande. Je pourrais vous citer des noms de riches en honneur dans le pays dont la fortune n'a pas d'autre origine. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Les maltôtiers, douaniers, surveillaient d'un œil méfiant le meunier de Tromeur. Lui plaisantait volontiers avec eux, étant jovial de son naturel, et volontiers leur payait chopine, alors surtout qu'il venait de leur jouer quelque bon tour. Un soir, il prit à part mon père, qui était le plus jeune de ses enfants, et n'avait pas encore fait sa première communion. « Yann, lui dit-il, j'ai dû laisser dans les pierres de Bruc, sous le rocher de la jument, un sac de tabac fin. Va flâner de ce côté à la nuit tombante, et tâche de rapporter le sac. Mais veille bien au gabelou. » Au trouble de nuit, Yann dévala vers la grève. C'était déjà un garçon futé, quoiqu'il n'eût pas encore 10 ans. Voyant venir un douanier qui allait prendre sa faction dans ses parages, il se mit à siffloter et à muser de roche en roche, faisant mine de chercher des patelles. Il arriva ainsi jusqu'à la jument, cette grosse pierre que vous apercevez d'ici. Le sac était lourd. Yann se disposait à le traîner entre les galets, quand le douanier, qu'il croyait loin, surgit tout à coup derrière lui. « Ah, maudit avorton, je t'y pince. Cette fois, nous la tenons, l'engeance des Kervégan. » Au lieu de fuir, l'enfant s'était couché sur le sac, s'y cramponnait des deux poings. Le gabelou avança la main pour lui faire lâcher prise. Yann la lui mordit jusqu'au sang de ses dents aiguës comme celles d'un blaireau. « Malédiction rouge !» hurla l'homme, et, dégainant son sabre court, « tu lâcheras cependant, vilaine vermine !» Le poignet de Yann fut presque tranché du cou. Le gabelou emporta le sac, laissa là le garçonnet évanoui. Celui-ci ne revint à lui qu'à la marée montante, quand déjà les vagues lui léchaient les joues. Il eut juste assez de force pour rentrer à Tromeur avec sa main pendante, qui saignait tout le long du chemin.